l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de juifs étrangers. Cela s'applique aux Allemands, aux Autrichiens, aux Polonais, aux Tchécoslovaques, aux Russes réfugiés ou soviétiques, c'est-à-dire blancs ou rouges. Puis aux apatrides, c'est-à-dire de nationalité indéterminée. La rafle du Veldiv. Premier épisode, c'était un jeudi. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. Lorsque vous avez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous dirigerez sur le camp de Drancy les individus ou familles n'ayant pas d'enfants de moins de 16 ans. Et sur le vélodrome d'hiver, tous les autres. Note classée secrète du 13 juillet 1942. Mais c'est le 16 juillet que cette rafle va commencer, un jeudi, le premier jour des vacances scolaires. L'organiser le 13 et le 14 juillet, jour de la fête nationale pourtant désormais au nid, ça aurait fait mauvais genre. Trois jours après la date prévue donc, le temps suffisant pour faire courir la rumeur d'une vaste opération de police, comme celle de l'année d'avant, celle de 1941, celle du billet vert où les hommes avaient été ciblés. Et le 16 juillet 42, pas question de taper au papier, non, on arrête sur fiche. À domicile, grâce au laborieux travail d'identification des Juifs d'André Tullard, débuté en octobre 1940. Des centaines d'agents capteurs seront à la manœuvre au cours de cette gigantesque rafle qui ne devait concerner que les Juifs étrangers et apatrides. Si leurs parents l'étaient, ceux qui témoignent aujourd'hui et qui ont survécu étaient pourtant bel et bien français. Je m'appelle Rachel Gédinac, je suis une dame âgée, j'ai 87 ans. Ma mère a eu le vent de la rafle parce que la veille au soir, elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient tout près de chez nous à environ 50 mètres. Quand on n'a pas d'argent devant soi, où aller ? Ma mère n'a vu que ce seul moyen pour nous de nous cacher chez nos grands-parents paternels. Ne me posez pas la question pourquoi elle-même n'est pas restée chez mes grands-parents paternels. Je n'aurai jamais l'explication. Alors nous pensions en sécurité chez nos grands-parents et on entend du bruit dans les escaliers, beaucoup de bruit et on frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence. Ouvrez, police. Et alors, deux policiers, un en uniforme et un civil, nous intiment l'ordre de nous habiller en vitesse, ma sœur et moi. Ma sœur avait 5 ans de plus que moi. Ils nous ont dit, on vous ramène auprès de votre mère. Mais sur un ton pas très agréable. Ma grand-mère a essayé de parlementer un peu et ils l'ont bousculée violemment. Et les policiers nous ramènent. Et l'un des deux policiers, d'un air goguenard, nous dit « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Donc le 16 juillet 42 au matin, la police française vient chez votre mère et elle ne trouve que votre mère. Or, sur les fiches, il y a votre mère accompagnée de deux jeunes filles. Oui, absolument. Donc, si ces deux policiers avaient réagi humainement, ils n'auraient pas donné suite. Certains l'ont fait, mais pas ceux-là. Et nous sommes descendus. Déjà dans la rue, j'ai vu des jeunes qui essayaient de refermer des valises ouvertes, éventrées. Il y avait un monde déjà dans la rue. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Nous nous sommes posé la question très longtemps, pourquoi à cette heure-là ? Et nous supposons que c'est pour éviter le flot des Parisiens qui allaient travailler plus tard et qui auraient pu nous venir en aide. Ma mère est très contrariée de nous voir revenir et on lui dit « Vous avez 5 minutes pour faire votre baluchon. Dépêchez-vous, on a encore beaucoup de gens à prendre sur la liste. » Nous nous dépêchons, nous descendons. Les clés sont confiées à la concierge. Et j'ai vu dans la rue des petites camarades d'école, d'autres enfants, des petits dans les bras qui pleuraient, dans les bras de leur maman. Certains enfants comme moi tenaient la robe ou la jupe de la maman et on nous a fait marcher comme un troupeau, je dis bien comme un troupeau, car nous étions nombreux dans le 20e arrondissement et on n'envoyait pas des autobus à chaque coin de rue comme ça s'est fait ailleurs. Et de ce fait, on nous a mis dans 4 centres avant de partir vers le Veldiv. Ça, je l'ai su après, bien entendu. En ce qui nous concerne, on nous a emmenés à pied jusqu'à la Bellevilloise, qui est devenue un lieu festif maintenant. Mais à l'époque, la Bellevilloise datait de la commune et c'était un lieu où les gens se réunissaient. Il y a encore d'ailleurs la fosse et le marteau sur le fronton. Et tout le long du chemin, une image qui est récurrente. Les gens étaient massés aux fenêtres ou sur les trottoirs, les gens nous regardaient passer. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous fait rentrer dans la Bellevilloise et on nous enferme. Nous étions plusieurs centaines là, serrés les uns contre les autres. Moi qui avais 8 ans, j'avais du mal à respirer. Il faisait déjà très très chaud ce jour-là. Et ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est nous faire fuir. Elle essayait de se frayer un chemin et à dire aux autres femmes « Non, non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas travailler avec des petits dans les bras. » Ma mère a eu de la prémonition. Et les autres mamans étaient en colère après elle et lui disaient « Mais non, on ne nous fera rien avec des petits-enfants. » Malheureusement, c'est ma mère qui a eu raison. Une voisine s'est approchée de ma mère et lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a souri et elle s'est baissée vers moi et vers ma sœur et elle nous a dit « Vous allez aller près de l'issue de secours » et essayer de sortir à tout prix, parce que cette voisine lui avait dit que sa fille de 14 ans, Léa, avait réussi à s'enfuir par l'issue de secours. Et elle a dit « Si on vous refoule, vous restez là-bas, je ne veux plus vous voir et vous trouvez le moyen de sortir. » Bon, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. Je voyais la peur qui se lisait sur tous les visages, l'angoisse, les pleurs, les sifflets des policiers. Je me cramponnais à ma mère. Alors, elle a fait quelque chose qui a été très douloureux pour moi sur le moment. Elle m'a giflé violemment pour que je la lâche. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Je pars près de l'issue de secours avec ma sœur qui me tient par la main et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez la différence d'attitude. Les deux policiers qui sont venus nous chercher chez nos grands-parents auraient très bien pu dire sans mentir qu'ils n'avaient pas trouvé les enfants au foyer, mais ils ont fait du zèle, alors que ces deux policiers qui, simplement, en tournant la tête, voulaient aider deux enfants, je trouve ça un acte de résistance. On s'est mis à courir, à dévaler les rues, la rue de Ménilmontant et toutes les rues pour arriver chez nos grands-parents, qui étaient en larmes. Et là, la vie s'est organisée tant bien que mal. Les derniers mots de ma mère ont été « Si on revient vous chercher, essayez toujours de fuir. Dans la rue, il y a du monde, ça vous aidera. » C'est ce qu'elle espérait. Les premières images, c'est le bus dans lequel on monte, avec les bagages. C'est ça les premières images que j'ai. Après, j'ai une image, celle du premier centre de regroupement, mais sans détail. Et puis ensuite, l'image de l'entrée au Veldiv. Et c'est le cauchemar qui commence. Je ne peux pas dire autrement. Je vois comment je redescends dans la rue encadré par les policiers, comment mon meilleur copain, juif aussi, est arrêté et descend avec sa famille, les gens qui pleurent, les femmes qui pleurent, j'en vois. C'était extrêmement bruyant entre les gens qui hurlaient, qui pleuraient, et les flics qui donnaient des ordres. C'est ça que je revois. Mais c'est relativement flou, je le vois, mais c'est flou. C'est une espèce de mélange, c'est une ambiance plutôt. Henri Lilienstein, 92 ans. Donc le 16 juillet 1942, j'avais 12 ans, et j'étais chez moi avec ma mère, quand on a tapé à la porte à 5 heures du matin, et on a vu entrer des policiers qui nous ont dit « prenez quelques bagages et suivez-nous ». Ça a commencé comme ça. Mon père, lui, était caché parce qu'on avait appris qu'il y aurait une rafle et que ce seraient les hommes qui seraient visés, mais pas les femmes et les enfants. J'avais une grande sœur aussi qui était aussi absente par sécurité. Ma mère a fondu en larmes, comprenant tout de suite qu'on allait vers la mort. C'était un arrêt vers la mort. On a pris quelques affaires et on est descendu. Nous habitions à ce moment-là, rue Rébéval, dans le 19e arrondissement, dans le quartier de Belleville. Il y avait partout dans la rue des policiers et des arrestations de familles juives. Un peu plus haut dans la rue Rébéval, une femme achetait ses deux enfants dans le vide et s'est jetée dans le vide. Elle aussi, elle s'est suicidée, entraînant ses enfants dans la mort. Nous avons été regroupés dans un premier centre de regroupement, avenue Simon Bolivar. De là, nous avons été emmenés en autobus au Veldiv. Il n'y avait que des femmes, des enfants, probablement un ou deux vieux qui étaient là, c'est tout. Et j'étais dans l'autobus avec une voisine, son fils qui était mon meilleur copain à l'époque, une famille Fuchs, et une petite fille. Et ma mère et cette femme ont discuté en yiddish devant les enfants et s'exprimaient en disant nous allons vers la mort, mais il faut rester en vie pour essayer d'aider les enfants. Et quand on descend du bus, les flics nous poussent sans ménagement. C'est pas Raus, mais ça n'en est pas loin. Et ça a été quand même pour moi un choc énorme. J'ai réussi à m'enfuir du Veldiv, je vous le dis tout de suite. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu des hallucinations et j'ai eu des trous de mémoire. Et je suis incapable de dire maintenant, après réflexion, combien de temps je suis resté au Veldiv. Un jour, deux jours ou trois jours. Et moi, j'ai eu l'impression d'un temps unique, comme si ça avait été qu'une seule journée. Donc on est là. Ma mère, désespérée, comme toutes les femmes, me dit « Essaye de t'échapper ». J'avais 12 ans. Pour moi, ça causait un problème, parce que est-ce que je dois quitter ma mère à 12 ans, la laisser seule, ou est-ce que je dois réellement essayer de m'échapper ? Elle a insisté très fortement, et j'ai donc tenté de m'évader du Veldiv. À 12 ans, c'est difficile, et c'est difficile de prendre une décision. Mais ma mère a été plus qu'insistante, avec force, comprenant qu'on allait mourir. Donc c'est pour ça que je me suis échappé. D'abord, ça ne me semblait pas théoriquement impossible, parce que j'étais un grand lecteur de Jules Verne, et dans Jules Verne, il y a toujours un jeune garçon qui est un des héros et qui s'en sort dans les situations les plus désespérées. Donc j'ai fait comme un de mes héros, j'ai commencé par faire le tour du Veldiv pour voir quelles étaient les issues possibles. J'en ai pas trouvé, il n'y avait pas. Il n'y avait que la grande porte d'entrée. La grande porte d'entrée, je suis descendu, j'ai essayé de passer, supposant qu'il y avait eu un moment d'inattention des gendarmes qui le gardaient. J'ai essayé de foncer et de sortir, mais je me suis fait ramener un coup de pied au derrière. Ça n'a pas marché. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que les gardes mobiles qu'il y avait à l'entrée du Veldiv, dès que leur poste était terminé, partaient sans rien attendre, fichaient le camp. Donc ils ne devaient pas être très fiers d'eux. Sinon, ils auraient pu rester, attendre, assurer la relève, accueillir les nouveaux venus. Non, pas du tout. Vraiment, c'était la fuite. Alors j'ai observé de loin ce qui se passait et je me suis aperçu que les gardes étaient relevés très souvent. J'ai l'impression que c'était toutes les heures, mais j'en suis pas sûr. Et au moment de la relève, ceux qui gardaient étaient trop contents de partir, s'en aller vite, et ceux qui arrivaient n'avaient pas encore reçu de consigne. Donc il y avait quelques secondes de flottement, quelques instants de flottement. J'ai attendu une relève, et à ce moment-là, il y avait déjà un certain mouvement de gens qui entraient de ces arrestations, mais qui sortaient aussi, parce qu'il y avait la Croix-Rouge qui commençait à intervenir, et j'ai vu sortir probablement une infirmière, que j'ai suivie le plus naturellement possible, à un moment où les gardes étaient relevés. Et je suis sorti dans la rue, j'ai réussi, j'ai traversé la rue Nélaton, je crois c'est, j'ai essayé de marcher décontracté jusqu'au boulevard, et là j'ai pris mes jambes à mon cou. Et c'est là où j'ai commencé à avoir entendre des voix, depuis ce moment-là, il y a des cauchemars, et à 12 ans, je me suis retrouvé sur le trottoir, à Paris, sans argent, sans réellement de point de chute. Mais le Veldiv, c'est un choc. Et plus on y pense, plus ça revient, et plus ça devient angoissant. La mort au bout. La mort, oui. Alors, je suis effectivement retourné chez moi, rue Rébéval. Je n'avais pas les clés, bien sûr. Je suis descendu voir la concierge, c'est ce qu'on appelait comme ça les gardiennes à l'époque, et je lui ai demandé les clés pour monter chez moi. Elle me les a refusées et m'a menacé en disant « Ne traîne pas ici, sinon tu vas être dénoncé ». Et le peu de temps où la porte était entrouverte, j'ai vu qu'elle avait récupéré une des machines à coudre qui était chez moi. Donc je suis reparti. J'ai traîné un peu dans le quartier, j'ai rencontré personne, et j'ai dû passer une première nuit dehors, mais je ne sais pas où, je m'en souviens pas. Je connaissais bien le quartier de Belleville, comme tous les gosses, on traînait partout, je connaissais toutes les impasses, toutes les ruelles, que même les adultes ne connaissaient pas. Donc je ne sais pas où j'ai passé la nuit. Ma mère est persuadée, malgré les bruits qui commencent à courir en juillet, que jamais on arrêtera les femmes et des enfants en France. Que c'était pas possible, que c'était pas pensable. Puis de toute façon, jusque-là, on n'avait arrêté que des hommes. Annette Krasger. Alors les bruits couraient, et dans le quartier, puisque je n'aime pas loin quand même de la rue des Rosiers, et autour de la rue des Rosiers, quand même, la population juive était restée assez importante. Donc les rumeurs circulaient. Et maman n'a jamais voulu en prendre. Elle était toujours enferrée dans cette espèce de conviction la France. Et qu'il n'y avait pas de risque pour des femmes et des enfants, malgré les lois anti-juives. Et les toiles qu'on portait. Rétrospectivement, quand on a reconstitué notre histoire, on s'est demandé si ce que maman nous avait dit correspondait à la réalité. Peut-être que maman, elle a voulu nous rassurer. On a gardé toujours, ma sœur et moi, cette arrière-pensée. Parce que néanmoins, la veille de la rafle. Maman nous avait dit que généralement, quand il y avait des rafles, c'était tôt le matin. Et que si l'on sonnait à la porte, tôt le matin, il faudrait pas ouvrir. Et que l'appartement que nous avions au 10 rue de Sévigné comportait deux portes qui donnaient sur deux escaliers différents. Et on avait donc une porte qu'on n'utilisait pas, par laquelle on aurait pu sortir. Et au fond, maman n'était pas du tout aussi convaincue qu'elle en avait l'air vis-à-vis de nous. Et quand on a sonné à la porte, tôt le matin, il ne faisait pas encore tout à fait jour, et qu'on a vu deux agents de la police parisienne avec leur pèlerine devant la porte, maman a ouvert, surprise dans son sommeil, elle dormait peut-être pas tellement cette nuit-là, elle a ouvert la porte. Et son stratagème qui était de sortir par l'autre porte, eh ben on ne l'a pas vécu. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons été arrêtés. Alors il y avait deux agents de la police qu'on connaissait bien, enfin on ne connaissait pas les flics, mais dans l'uniforme, voilà, ils avaient une liste. Et alors il nous a dit, ben voilà, vous êtes sur la liste, les deux enfants, votre mari. Et ma mère a dit, ben mon mari, il n'est pas là. Elle a dit, ça ne fait rien, préparez quelques affaires, on vous attend. Alors maman était absolument, se possédait plus. Elle a dit, mais pourquoi, et qu'est-ce que vous allez faire de nous? Et c'est une réponse qu'on aura ensuite tout le temps. Nous n'en savons rien, nous obéissons à des ordres. Alors, maman a pris une valise, elle a mis dedans, elle a mis quelques affaires, des sous-vêtements, elle a mis une boîte de biscuits, elle a pris des papiers, et puis on est parti comme ça. Alors nous sommes partis, on n'a pas vu d'autres gens dans la rue, c'était désert. Puis il faisait pas très jour. Puis je parle que d'impressions. Je suis sur des impressions. Hein. Moi, j'étais très troublée. J'étais assez en avance pour mon âge. J'étais en avance au plan scolaire. Et j'étais assez troublée parce que je craignais que des gens nous voient encadrés par deux agents de police et qu'ils croient qu'on avait fait quelque chose de mal. Et que je me sentais pas bien. Parce que je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait nous reprocher. On avait été élevés, nous, avec quand même des valeurs, une morale, l'honnêteté. Et puis comme il faisait pas très jour, j'espérais qu'on nous verrait pas. Donc encadrés par les deux agents, il n'y avait personne d'autre avec nous, on était toutes les trois. Ils nous déposent à l'entrée de l'école, rue Geoffroy Lanier, dans l'école qui se trouvait rue du Grenier-sur-Lot, qui est devenue l'allée des Justes. C'était une école communale, et là, c'était déjà le début des vacances scolaires. Donc l'école était vide. Ils ont dit, ben voilà, ils ont mis dans le préau. Dans le préau, il n'y avait rien pour s'asseoir. Il y avait déjà des gens, des familles, des juifs marqués par des étrangers, quoi, hein, affolés, abrutis, avec des gosses, avec éventuellement quelques personnes âgées. Et puis, ce qui nous avait frappé, c'est qu'ils n'avaient pas de valise. Ils avaient mis ça dans des espèces de ce qu'ils appelaient des toilettes. C'était des trucs en satin où ils mettaient leurs vêtements. Parce qu'ils étaient un peu d'un autre pays, quand même. Et puis, alors, complètement abrutis, complètement abasourdis. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il n'y avait que deux agents devant la porte et c'est tout. Alors, l'angoisse commence, l'angoisse, une angoisse qui était née déjà avec l'arrestation, et cette angoisse qui va nous poursuivre, qui va nous obséder tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire de nous, et l'impression déjà d'être extrait de la vie normale. Pourquoi nous? Et cette angoisse terrible. Alors maman, francophone, quelques difficultés quand même pour s'exprimer, puis un peu apeurée. Maman va demander aux agents qui nous gardent, il n'en fallait pas beaucoup pour garder juste la porte du préau. Et alors toujours la même réponse, on n'en sait rien, on attend des ordres, on ne sait pas. les heures ont avancé. J'ai oublié de dire qu'on était le 16 juillet, qu'il faisait très chaud. Il n'y avait rien à boire, il n'y avait rien à manger. Il y avait des enfants qui pleuraient déjà, les parents qui étaient complètement débordés. Il y avait des hommes et il y avait des familles entières. C'était pas uniquement des femmes et des enfants. Et puis attendre. Attendre qui? Attendre quoi? Pourquoi là? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et c'est seulement début l'après-midi que sont arrivés les autobus dans lesquels on est monté. Et on ne sait pas où on nous emmène en bus, on ne sait pas. On traverse, alors c'était des bus à plateforme, les flics sont sur la plateforme et les juifs sont assis dans l'autobus. Alors où va-t-on? On ne vous dit pas où on va. On traverse Paris, on connaît Paris, on est parisienne. Vous passez par où? Je pense qu'on prend la rue de Rivoli. Puis on connaissait bien les Tuileries, parce que souvent le dimanche, on faisait une grande marche. Alors on allait aux Tuileries, on prenait toute la rue de Rivoli. Nous, ma sœur et moi, on trouvait que c'était long les arcades. Oui, alors on connaissait bien. Parce que là, il y avait quand même des manèges, et puis il y avait des bassins avec les bateaux. Et on passe devant la tour Eiffel. On change de rive. Et puis le bus s'arrête, effectivement, rue Nélaton. On connaissait pas, jamais on connaissait ce quartier. Vous savez bien, à Paris, chacun connaît bien son quartier. Le Veldiv, on connaissait pas l'emplacement du Veldiv. Puisque le Veldiv, c'était le vélodrome d'hiver, où se tenaient des courses cyclistes. Et le fait que le vélodrome soit couvert par une grande verrière, d'ailleurs, permettait de faire des courses qui se poursuivaient, même quand il faisait nuit. Alors on nous fait descendre des autobus et nous pénétrons dans le Veldiv. Il n'y a plus de roses dans la rue des Rosiers. C'était en plein marais, une rue où grouillait la vie belle et sa rage. Une rue qui sentait le hareng qu'on fumait et la folie des sages. Merci à Rachel Yedinak, Henri Lilienstein et Annette Krasger. Merci également à Karine Taïeb et à Liorce Madja du Mémorial de la Shoah. Mixage Antoine Viossa. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abou-Olivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Pierre-Vran. La rafle du Veldiv, c'était un jeudi, un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Séverine Cassard. Encore un bel été, un mois de liberté avant que ça déraille. Il n'y a plus de roses dans la rue des Rosiers. Elles sont mortes à l'été. Que reviennent les roses dans la rue des Rosiers. Que fleurissent les roses sur les anciens rosiers.